fois par mois, de 17h à 18h, calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation. Un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous, vous êtes sur 94.2 sur Fadjet, bien sûr. Bienvenue dans notre émission Un coup d'œil dans le rétro. Une fois par mois, nous décryptons toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. C'est le printemps, on est content. On vous informe sur les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les loisirs et les sorties au niveau local et national. En somme, une émission où on vous parle du passé au présent. Nous avons une invitée chaque semaine, mais il y a aussi nos habitués. Enfin, chaque semaine, je dis chaque mois. Il y a aussi nos habitués, nos chroniqueurs, animateurs, je ne sais pas comment on les appelle ainsi. Mais en tout cas, c'est une belle petite équipe qui fait un coup d'œil dans le rétro. Et on se retrouve chaque mois avec délectation. Voilà, n'est-ce pas ? Délectation. Oui, regardez, alors, il parle à deux sur un micro et sans, avec un casque en moins. Donc voilà, c'est chef, pas grave. On a un fusil pour deux et une botte pour deux. Voilà, c'est Jack et Christelle. Bonsoir. Jack et Christelle, Christelle et Jack, vous allez bien ? Très bien, ouais. Oui, chef, tout va bien. Bon, bah merci. Il y a aussi bien sûr Anaïk. Bonjour à toi, Anaïk. Bonjour François, bonjour à tous. Oui, ça va bien, merci. On s'est un petit peu pressé en cette fin de semaine pour prendre l'antenne. Voilà, on est arrivé sur les chapeaux de roue. Et on a aussi notre invité du jour. Tu nous la présentes, Anaïk, quand même. Eh bien, notre invité du jour, c'est une femme. Et cette femme s'appelle Hélène Gantès. Bonjour, Hélène. Bonjour à vous. Ça va Hélène ? Ça va très bien. T'es contente d'être avec nous ? Très contente. T'es pas intimidée ? Pas du tout. J'ai pas peur du gros micro. Tu vas voir, on est très sympathique. T'es déjà passé à la radio ou pas ? Non, c'est la première fois. Ouais. Bon bah écoute, on va essayer de te faire une belle émission, de te faire un beau décor, un petit cocon. Tu sais, comme un petit oiseau qui arrive dans son nid. C'est beau ça, hein ? Oui, c'est beau. Oui, je sais pas, c'est pas qui me fait cet effet-là, c'est les vacances. Bon, en tout cas, j'ai envie de savoir aussi le programme du jour. J'aime bien cette petite musique quand tu l'as mise. Oui, alors le programme du jour, chers amis, chers auditeurs, donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de notre invitée, donc Hélène, donc, qui va nous parler de sa passion, de son métier. On parlera aussi mobilier et notamment les meubles en Scooby-Doo qui font leur grand retour. Notamment dans vos jardins aussi. Jack nous fera sa chronique, ça sera sur Jack. Levi's. Oui, la marque Levi's, c'est on ça est tous la marque, en... oui, pas Levi's. Hein. Ouais. On ouais est tous en jean, je crois, là, en plus, quasiment. Ah oui, moi, je suis en 100%, là. Oui, c'est vrai, la petite étiquette rouge qui dépasse. Et puis Christelle aussi, Christelle qui nous parlera de la montre à gousset. Ouais. D'accord, et puis on parlera enfin des sorties locales. Qu'il y a à faire dans le coin. Il voilà y a des choses à faire en ce début de printemps comme ça. Il y a deux trois petits événements à ne pas manquer effectivement. Donc voilà. Et ben ça promet en tout cas. Hein, on va passer une bonne fin d'après-midi en votre compagnie. On vous remercie hein, d'être avec nous. En tout cas, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook. Jack. Oui chef. Donne-moi le nom de la page. Fadjet, coup d'œil en rétro. Oui, c'est vrai, parce qu'on a changé. Hein, parce qu'on oui, on a tout changé. Rétro, on a revu d'un fond en comble la charte graphique et tout. Maintenant, vous êtes des millions à nous suivre chaque jour sur Facebook, à liker toutes nos publications. Ouais. On est aussi sur Instagram. On est aussi sur Instagram. Oui, il a oublié. Il y a aussi Instagram, coup d'œil dans le rétro. Coup d'œil dans le rétro, on a aussi même un blog. Un blog, on est partout. Suivez-nous, nous sommes partout. Oui. Le monde nous appartient. Oui, alors déjà, Nancy, on essaye de en toute modestie, bien c'est sûr. C'est vrai qu'on se retrouve dans différents événements. La dernière fois, tu as couvert un petit peu la fripe. Hein, ah oui, le fripe show, invités, oui, fripe nos show derniers invités, ouais, on est allé voir ça, c'était super. Un carton. Ça s'est plutôt bien passé apparemment. Ouais, hein, très bien. Et donc on est content d'ailleurs pour eux. Et ben voilà, donc on va lancer cette émission tout simplement, allons-y gaiement. Alors on va commencer tout de suite eh bien, avec notre invitée, c'est Hélène Gantès, et j'ai envie d'en savoir un peu plus, et on a envie d'en savoir un petit peu plus sur elle, n'est-ce pas Nike? Oui François, alors Hélène, donc tu es créatrice de mode, donc tu as un atelier sur Nancy, si je ne m'abuse, enfin je pense pas que je me trompe. Oui. Jusqu'ici. J'ai vu aussi qu'il y avait voilà, des certains mots en fait, qui te collaient un petit peu à la peau ou à la peau de tes créations. Humour et élégance, hein, si je ne m'abuse. J'ai vu ça voilà, sur ton site. Et tu es connue pour tes tabliers en fait, au look des années 50, un peu rétro, un peu pin-up. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Comment tu en es venue là ? Est-ce que, voilà, comment ça s'est passé ? À partir de quand ? Raconte-nous un petit peu. Que tout a commencé. Alors, à partir de quand, c'est assez vieux, on va dire, quand même. J'ai commencé par dessiner, m'amuser. En fait, j'avais des idées à faire vivre. Et en fait, la couture, ça a été un bon support pour moi, qui m'a permis en fait de pouvoir mettre en 3D mes idées et de m'amuser ainsi. Donc, j'ai fait une école de couture à 15 ans. Je suis partie. À 15 ans ? Ah ouais, oui, donc tu étais déjà passionnée très jeune, en fait. Oui, déjà. Et donc, du coup, j'ai commencé mon parcours et puis je suis arrivée à Nancy il y a 3 ans. D'accord. Tu étais où avant, t'étais où alors, du coup? Avant, j'étais à Metz, donc je suis messine. T'es d'accord, messine, ouais. D'accord. C'est pas grave. Pourquoi t'es messine aussi, toi? Non. Juste pour m'encourager. Je viens déjà à m'excuser. Bon, non, faut arrêter. Moi, je suis pas d'ici. Alors, on n'est pas d'ici, forcément, cette guéguerre. Bon, alors, non, on s'en fout, on n'est pas comme ça, mais c'est la dernière fois. Là. Le monde est notre ville. Et donc, t'as débarqué à Nancy et... Et puis, du coup, ça a été un peu le moment où j'ai un peu plus centré mes idées sur des produits bien particuliers parce que je faisais avant plus du sur-mesure, j'avais pas... Enfin, je faisais des bustiers, ce genre de choses. Mm-hmm. Et là, j'avais envie d'un produit, en fait, qui pouvait aller à tout le monde, avec lequel on puisse s'amuser. Et vu que c'était aussi la mode des émissions de cuisine, pin-up, etc., il y a eu un combo un peu de tout ça avec ma voisine qui est pin-up. Je lui ai fait un cadeau. Et son nez, l'établier rétro pin-up. Tu sais que moi j'en ai porté. Oui, je sais. Oui, c'est vrai, oui. Ouais, j'en ai porté l'année dernière, hein, c'était pour French Up. J'en ai mis un ou deux, voilà, qui m'allait très bien. J'aimais bien celui qui était un peu costume. Enfin, ça faisait costume rétro, tu sais. Oui, c'est un peu garçon de café. Hein. Voilà, garçon de café. Ouais, voilà. C'est inspiré des garçons de café. Ah oui, c'était et très aussi, chouette, c'est vrai que je l'ai vu. Et ma tatoueuse, ouais, en a un. Ouais. Pauline de la Gribouille. Oui. Voilà, elle a son. C'était pour son anniversaire, je crois. Oui, d'ailleurs. Oui, c'est son chéri voilà, qui m'avait demandé de lui en réaliser un. Ouais. Donc ils sont super chouettes. Hein. Vous avez eu l'occasion de les voir. Ouais, moi aussi justement. J'en ai un. T'en as un aussi toi? Ouais, ouais. On est souvent blanc ensemble. D'accord. Ah bon. Et alors, si on reprenait un petit peu sur ton. Moi, j'avais une question déjà aujourd'hui. Est-ce que c'est facile de vivre de ces créations comme ça? Alors, moi, c'est. On va dire. Ce qui me permet d'en vivre, ouais. C'est aussi d'être dans la couture ameublement. Donc, je travaille avec un tapissier à côté, ça me permet de rester à 100% dans la couture. Mais ça reste quand même assez difficile de vivre de ses créations. Ben, oui, pourquoi sûr. Parce qu'il faut quand même du temps avant que ça prenne. Mm-hmm. Donc, du coup, il faut réussir à tenir tout ce temps aussi. Et voilà, c'est pas évident, ça demande beaucoup de sacrifices et puis de patience. Bah oui, non, mais c'est ça. De rien lâcher, voilà. Jamais. C'est ça, c'est qu'on aurait. Alors, moi, je sais pas, c'est peut-être parce que j'en côtoie beaucoup des indépendants sur l'ancien, alors que ce soit dans l'artistique, l'artisanat d'art et toutes ces choses-là. Mais c'est vrai qu'avant toute chose, c'est une affaire de passionné. Ouais. La passion, faut pas qu'elle elle soit, comment dire, détruite petit à petit par le fait de perdre courage parce que on n'arrive pas à vivre pleinement de c'est ce qui arrive malheureusement c'est que des fois il y en a qui lâchent un peu le fil au bout d'un moment parce que c'est compliqué il faut bien vivre quoi c'est ça ouais. Donc après voilà faut savoir ce qu'on veut aussi ouais. Moi j'ai décidé d'être heureuse et épanouie dans mon métier voilà. Je remarque aussi à côté il y a d'autres choses hein. Le confort matériel c'est pas forcément ce qui accompagne tout ça mais voilà c'est aussi vrai. Chargé de belles rencontres de beaucoup de choses. De beaux projets aussi. De beaux projets, ouais. Donc, parce que mine de rien, il y a pas mal d'indépendants autour de cette table, hein, force, hein, quand même. Hein, oui, c'est là. Vrai. Oui, c'est vrai. Bonjour, t'es la seule qui n'y est pas. Ouais, mais effectivement, c'est bien ce que c'est que d'essayer de vivre de sa passion. C'est vrai. Hein. Pauvre mais heureux. Voilà, c'est un peu l'adage. Hein. Nous sommes libres. On peut le dire c'est ainsi, ça. Pauvre mais heureux, nous sommes libres. Nous sommes libres. Voilà, nous ne dépendons pas de d'autres structures. Voilà, on essaye de vivre de notre passion, mais c'est quand même tellement, tellement bien, quoi. Surtout si on a eu en amont. Des expériences où on vivait justement de choses qui ne nous plaisaient pas. Riche mais triste. Voilà, ça c'est Jack et ses adages et ses proverbes. Et puis on est riche d'autres choses aussi. C'est vrai, c'est vrai. Après, moi je suis pour que les personnes m'achètent plein de tabliers et que je sois riche. D'accord. C'est vrai, t'as raison. Il faut pas décoller non plus. Voilà. Il faut faire un peu de blé aussi. C'est ça. Alors on va faire une première pause musicale et on te retrouvera d'ici quelques instants. Cette pause. Ceux qui connaissent, voilà. Tu t'es dit c'est Deluxe. Alors pour la petite anecdote, Deluxe, c'est un groupe qui est très jeune, hein, qui est de 2007, hein, qui a été repéré par Chinese Man. Je sais pas si vous connaissez Chinese Man. C'est 5 amis musiciens. Alors il y a des sonorités. On va faire un peu le point. On va vous faire écouter ça. Il y a des sonorités un peu rétro. On a envie de vous le faire découvrir. Si vous ne les connaissez pas. Et le titre aujourd'hui de Deluxe, c'est Stronger Than Me. Allez, à tout de suite, vous êtes d'un coup d'œil dans le rétro, il est 17h10 les amis, prenez le temps, c'est bientôt le week-end. My pale comparison to who you think I am, you always wanna. Stronger Than Me. Deluxe, alors c'est, s'inspire librement des grands maîtres du hip-hop, du jazz et de la funk. C'est, vous l'aurez entendu, ils créent leur propre recette musicale. Et ils se composent de 5 musiciens, notamment aussi de Lily Boy, une chanteuse explosive à la voix suave et détonnante. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Ah, nous sommes... Je sais pas pourquoi j'allais commencer ma phrase. J'étais parti dans une espèce de d'envolée lyrique. Là. Ah, nous sommes, c'est déjà bien, nous sommes là à l'antenne. Début hein. du week-end, j'ai envie de dire. Voilà. Nous sommes sur 94.2 si vous nous écoutez dans les environs, bien sûr. Ou peut-être sur le www.fadjet.net, en live. Alors là, si vous êtes au Japon, à Gerville, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous écouter. C'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Vous avez la possibilité de nous écouter et bien aussi sur le net. En tout cas, nous sommes contents. Nous sommes avec Hélène Gantès. Je sais plus si tu as posé la question, je vais peut-être rééditer cette question. Gantès, c'est bien ton nom de famille? Oui, c'est mon nom de famille. Ah, c'est ton nom de famille. Ça fait nom de scène comme ça, je trouve. Hein. Oui, c'est vrai. Ça fait très scénique. Ouais, c'est très chanteuse, un peu de rock. Ça fait série, même. Ça fait la classe, quoi. Hélène et. T'as vraiment un nom qui est prédestiné à la starification. Oh, c'est chouette, ça, merci. Ah, si, je le trouve, non? Regarde, par exemple, François Barthélémy, non? Toi, Boucher. François Barthélémy, Boucher. Oui, ah, oui. C'est vrai, Boucher. Ah, oui. Boucher charcutier. Dans les Vosges. Oui, tu vois, on a, voilà, bon, Christelle Youplaboum, on suppute qu'il y a une tricherie derrière tout ça. C'est plus une carrière dans le cinéma. On suppute qu'il y a une petite tricherie, hein, derrière. Légère. Parce qu'on voit une petite fille qui est comme ça tout le temps en ville, comme ça, avec des bonbons. Je sais pas pourquoi, quand je vois Christelle Youplaboum, je vois une jeune, pas une, une toute petite fille, une petite enfant, tu vois, un peu comme, c'était le pendant de Denis Lamalisse, mais en fille, je sais plus comment c'était, avec les petites taches de rousseur, tout ça. Ah, je voyais pas ça comme ça, moi. Voilà, ça fait un peu ça. Voilà, j'avais. Je verrais bien plutôt ce Christelle Youplaboum comme ça, moi, tu vois. Ouais, bah elle est pas comme ça. Mais si, laisse les gens s'imaginer, c'est comme Imaginez-vous. Ça. Imaginez-vous. Allez, on poursuit cette émission, vous l'avez compris, dans la bonne humeur, les amis. On poursuit aussi avec Anaïs qui va nous faire un petit retour. On en avait déjà un peu parlé, mais c'était notamment le Scooby-Doo. C'est ça. Tout le Scooby-Doo fait. Qui est un bracelet, entre autres, qui est quoi ? Alors, le Scooby-Doo, bah, vous pouvez en voir un petit peu dans les devantures de magasins, là, le soleil voilà, naissant du mois d'avril, ouais. Faisant qu'on va aller planter nos petites plantes dans notre jardin. Oui, moi, j'ai fait. Voilà. Et puis, bien souvent, bah, ouais. On achète des nouveaux meubles pour le jardin, voilà, un peu colorés. On aime bien, comme ça, donner un peu de peps à son extérieur, mais on peut aussi tout à fait l'utiliser à l'intérieur. Alors, deux tendances, entre autres, on avait déjà parlé de ça, c'était du rotin aussi, hein, on en met beaucoup, ouais, du rotin vrai. En extérieur, qui est assez résistant. Et aussi, donc, le Scooby-Doo. Alors, le Scooby-Doo, qu'est-ce que c'est au départ ? Alors, au départ, le Scooby-Doo, en fait, c'était un loisir créatif qui date des années 60. Ça a ressurgi un petit peu dans les années 80. Donc, à l'époque, en fait, l'idée, c'était de tresser des sortes de petits boudins colorés. Alors, soit ça avait une forme carrée ou une forme polygone. Ça pouvait être droit ou torsadé, en fait. Il y a plusieurs inventeurs qui ont revendiqué un petit peu la paternité du Scooby-Doo, mais au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas franchement qui c'est qui l'a inventé. Il n'y a pas de monsieur ou madame Scooby-Doo ? Non. Ah bon ? Non. Oh, c'est fou, ça, quand même. Ouais. Ah, moi, je pensais que ça poussait sur un arbre. Pas le chien, là ? Quel chien ? Ah, le chien ! Ah, le chien ! Ben non, c'est pas lui. Alors, le Scooby-Doo, en fait, ça vient du mot provençal escoba, qui veut dire balai. Et ça a son importance dans l'histoire du Scooby-Doo, parce que bien avant l'ère du plastique, en fait, les enfants récupéraient les poils des balais. Et en fait, ils tressaient entre ces poils, et en fait, ils en faisaient des petits boudins multicolores. Ah bon, ah, voilà, pour l'histoire du Scooby-Doo, voilà, parce qu'à l'époque, peut-être pas beaucoup d'argent. Voilà, les gamins, ils n'avaient pas de plastique en fait, donc ils faisaient ça avec les poils des balais. D'accord, voilà. Et ça s'est popularisé en France en quelle année ? Alors ça s'est popularisé en France dans les années 50 et notamment aussi avec la chanson que tout le monde connaît de Sacha Distel. Qu'on écoutera d'ici. Voilà. Wow, on l'écoutera d'ici quelques instants. Que tout le monde connaît effectivement. Donc aujourd'hui, on peut retrouver les meubles en Scooby-Doo, bah un petit peu partout dans notre déco. Ils remplacent un peu le bois. Toutes les choses textiles. On peut le retrouver sur des chaises, des porte-revues, des miroirs, des fauteuils et tout ça réalisé en fil de Scooby-Doo. C'est assez graphique, c'est facile à manier, c'est très coloré. Souvent c'est fluo, enfin en tout cas pour les meubles de jardin, c'est un peu rose fluo, vert fluo. Les meubles en Scooby-Doo, je trouve que ça donne un petit peu de couleur, de peps en fait à l'extérieur, à l'intérieur. On peut aussi en mettre à l'intérieur aussi. Et contrairement à ce qu'on croit, et contrairement aussi au rotin qui n'est pas hyper confortable, il faut mettre des petits coussins dessus. Le Scooby-Doo, c'est assez confortable. C'est assez confortable, c'est assez facile d'entretien, j'ai envie de dire. Un petit coup d'eau et hop, voilà, c'est tout propre. Donc, je vous invite à aller dénicher peut-être dans des lieux un petit peu comme les trocs ou les foires au grenier, des meubles en Scooby-Doo. Et puis, voilà, on est chez vous. Il y en a un qu'on connaît bien, c'est la chaise spaghetti, c'est ça ? Ouais, la chaise spaghetti, en fait, c'est une chaise qui a été conçue par un designer assez célèbre, italien encore, qui s'appelait Bellotti dans les années 70. Je vous mettrai on vous mettra une petite photo sur la page Facebook pour vous montrer, mais je pense que tout le monde connaît la chaise spaghetti. La chaise spaghetti. Ouais. Personne n'a de chaise en Scooby-Doo chez lui ? Ça me dit rien, non ? Non, c'est pas plus, pas du tout que ça. Eh bien, je vous invite à aller en acheter, vous serez tendance. C'est obligé ? Non, je vous invite, c'est une proposition, je n'oblige personne. Ce n'est pas obligé, c'est comme ça. Voilà. Eh bien, justement, tu le chantais tout à l'heure, notre Sacha Distel local. Oui. Sacha Distel. Scooby-Doo. Voilà, c'est Scooby-Doo, les amis. Sacha Distel. Ah. Bien sûr, avec des pommes et des poires aussi. Hein. Ah. Allez, c'est un coup d'œil dans le rétro, les amis. Il est 17h20. On est encore ensemble jusque 18h, pas plus. Hein. Donc profitez du moment, profitez de l'instant. Vous êtes sur Fadjet. Et les amis, je lui dis, mademoiselle, que faites-vous donc dans la vie ? Eh bien, répondit-elle, je vends des pommes. Des poires et des Scooby-Dooby-Oo. Pomme, poire et des Scooby-Dooby-Oo. Scooby-Dooby-Oo. On a dansé toute la nuit, puis au jour, on est parti chez moi discuter de l'amour et des fruits. Comme elle se trouvait bien chez moi, aussitôt elle s'installa. Et le soir, en guise de dîner, elle me faisait manger des pommes, des poires, les scubidoubé, ouh, ah. Pommes, pommes, poires, poires, les scubidoubé, ouh, ah. Scubidoubé, ouh. Ça ne pouvait pas durer longtemps, car les fruits, c'est comme l'amour. Faut en user modérément, sinon ça joue des tours. Quand je lui dis, faut se quitter, aussitôt elle s'écria, mon pauvre ami, des types comme toi, on en trouve par milliers. Comme que j'en ai tiré est facile à deviner. Célibataire, vaut mieux rester plutôt que de croquer des pommes, des poires et des scubidoubés. Ouh, ah. Pommes, pommes, poires, poires et des scubidoubés. Ouh, ah. Scubidoubés. Ouh, ah. Scooby-Doo de Sacha Distel, interprété et sorti en 1959. Il s'agit de l'adaptation française d'Apples, Peaches and Cherries, un tube de Peggy Lee, composé par le poète américain Abel Meeropol. Alors, là, faut que je sois bon en anglais. Alias Lewis Allan. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Ouh, ça veut dire ça. J'ai mis cette musique pourquoi ? Parce que c'est synonyme de voyage souvent pour Jack, parce que c'est notre voyageur. Mais là, il n'a pas décidé de voyager aujourd'hui. Pas bien loin en tout cas. Tu pars prochainement là ? Oui, oui, oui, je rentre à Paris. Pourquoi tu rentres ? Parce que je prépare le tour auto. Tu pars à Paris parce que je te signale que tu habites à Nancy. Bah écoute, en fait, je crois sincèrement, que... au mois de mars, j'ai vécu 5 jours à Nancy. Ah oui, et pour l'instant, avril, je suis rentré une petite semaine. Mais tu vis chez des amis, comment ça se passe là ? On se posait la question. T'es bien curieux, toi. Mais bah, j'ai envie de savoir, moi. Mais j'ai un logement qui m'est prêté. Ah bon ? Oui, rien, une broutille 800 mètres carrés face à la Tour Eiffel. Il n'a jamais pensé à équiper. On sera serré aussi. On peut se faire un week-end. Ah, on sera bien, on sera serré. Hein. C'est pas grave, hein, on se tiendra chaud. C'est certainement plein de choses que tu connais que tu pourrais nous faire visiter. Ah bah écoutez, on peut faire une émission délocalisée. Coup d'œil dans le métro à Paris. Bon bah d'accord, on fera ça. Coup d'œil dans le métro. Prochainement, mais on a envie. Parce que c'est vrai qu'on connaît pas tout de Jack, hein. On sait certaines choses avec après, Jack. Après, il a peut-être pas envie de raconter sa vie à l'antenne. On lui tirera les verres du nez et puis c'est tout. Là, il a envie de parler de jean, tout simplement. Ah oui, j'avais envie. Il aime le jean et Levi Strauss. J'ai envie de parler de jean. Ce matin, j'aurais mis un short, j'aurais parlé de short, mais ce matin, j'ai mis un jean. Ah, c'est ça. Voyons qu'on est sauvés. Ça commence quand, oui. Comme ça, exactement. Alors aujourd'hui, je vous parle de Levi Strauss ou la grande. De ruée vers l'or bleu. L'or bleu, pourquoi bleu? Bleu comme le jean. Le bon jean. Eh oui, tout débute en 1853 lorsque Oscar Levi Strauss, tout jeune immigré allemand qui vient de Bavière, part à San Francisco ouvrir une succursale de l'entreprise de son frère qui était spécialiste dans le négoce de tissus. Hein, on était dans la ruée vers l'or. Hein. D'accord. Je vous remets un petit peu le contexte. La vallée de San Francisco, ouais. C'était vraiment le avec centre. Avec un tamis, tout ça. Hein, San Francisco, voilà, c'était la région, c'était vraiment l'or. D'ailleurs, c'est pour ça que l'équipe de football de San Francisco s'appelle les 49ers. C'est en référence à cette grande période. Les 49ers. 49ers. Voilà, c'est une référence justement à cette période de l'or. D'accord. Bref. Je reviens à notre Oscar. Ouais. Oscar, immigré bavarois, donc apporte avec lui un lot de toiles de tente. Et pour les écouler un petit peu plus vite, qu'est-ce qu'il fait ? Et ben il se dit, bah tiens, il y a des orpailleurs partout, ils ont pas de pantalon de travail, et ben moi je vais leur faire des pantalons de travail. Oui, c'était un pantalon de travail au départ. Exactement, donc c'est le début de l'aventure Levi's. Dans les années 1870, l'entreprise opte pour une autre matière, une toile de coton teinte en bleu et fabriquée à Nîmes. Ah oui, et qu'on appelle donc la toile de Nîmes. D'accord. De Nîmes. Okay. Voilà. Ah. Ah. Vous me verserez 5 euros pour cette petite, ce petit point culture. Eh oui, donc Levi's l'utilise alors pour créer une nouvelle gamme de pantalons. En 1873, l'entreprise fait breveter les rivets de confort aux poches, hein, les petits rivets qu'on voit là qui tiennent justement le tissu. Cette solution avait été proposée par un tailleur de Reno, Jacob Davids, pour éviter aux poches de se découdre. C'était simplement pour que ce soit plus pratique et que ça tienne, pour que ce soit encore plus solide. C'est pour ça qu'un jean, c'est costaud. C'est plein de petites astuces comme ça qui permettent d'avoir un pantalon résistant, qui était donc un pantalon de travail au début. Donc, c'est le début des Levi's jeans tels que l'on les connaît encore aujourd'hui. Cette période se traduit également par l'apparition de deux signes distinctifs toujours présents sur les Levi's, donc les surpiqûres de fil orange assorties au rivet. D'accord. Orange, orange, ok, jusque-là vous me suivez. On suit. Et ensuite, l'étiquette avec les deux chevaux cousus au niveau de la ceinture derrière, hein, derrière à l'arrière droit, sur votre popotin tourne-toi, en haut. Tourne-toi qu'on vous. Non, je ne peux pas me tourner comme ça, il y a trop de femmes. Non, mais là, vous voyez un peu l'étiquette, avec les deux chevaux, c'est marqué, au-dessus il y a le numéro du jean et la taille, ok. D'accord. Voilà, alors. Avec ses nouveaux tissus et ses signes distinctifs, Strauss crée avec celui qui va être à l'origine de l'industrie du denim sur tous les continents, le 501. Le femme. Avec ce modèle unisexe, ça veut dire pour femmes et pour hommes, ça c'est génial parce que justement, avec un modèle, ils équipent tout le monde. C'est ça qui est vraiment exceptionnel. Donc ils s'offrent en effet une renommée éternelle. L'entreprise réalise ainsi ce que peu de marques ont réussi à faire, évoluer au fil des générations tout en conservant son identité. Donc ça c'est vraiment l'apanage des grandes marques. Souvent américaine d'ailleurs. Oui, mais à 38 hommes, c'est pas la même chose qu'à 38 femmes. Non, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais on est d'accord. Et donc, mais tant pis, on mettait tous. Ouais, exactement. Voilà. D'accord. Donc ça maintenant, allait, effectivement. Ça allait plus aux hommes ou aux femmes. Maintenant, il y a le 501 femmes et le 501 hommes. D'accord. Mais au début, il y avait qu'un modèle. Quoi. Et donc, est-ce que le 501 ressemblait déjà à celui qu'on connaît aujourd'hui? Pas du tout, mon cher François, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'une poche. Et la seconde poche fera son apparition en 1901. Eh oui. C'était la nouvelle mode, il fallait deux poches. D'accord. Et oui, ça commence donc à cette époque-là à se populariser. Hein. C'est-à-dire que ça sort un peu des chantiers, des mines et compagnie pour devenir un accessoire de mode. En 1936 marque l'apparition d'un nouveau signe identitaire, l'étiquette rouge, la Red Tab, hein, qui est sur la poche droite, pareil. Hein. D'accord. C'est cousu. C'est donc ce qui rend le jean reconnaissable entre tous. En fait, hein, quand on regarde dans la rue, si on voit une étiquette rouge, on sait tout de suite que c'est un Levi's. C'est vrai. Et oui. Il y a pas de copie de Levi's. Oh. Ah. Mais il y a des copies de tout, donc si. Ah, mais si, en Tunisie, il y a des Levi's. Des Levi's. Des Levi's. En Turquie, il y a des. Si, de toute façon, ce qui est copié, c'est ce qui est plutôt une réussite généralement. Alors ça s'est passé comment pendant la guerre mondiale? Alors là, c'était la catastrophe parce qu'on avait besoin de zinc pour construire des zincs, pour construire des cockpits d'avions, des bombes et autres. Donc il n'y avait pas de zinc. Donc ils ont abandonné les rivets à cette époque-là. Mais après la guerre, tout est revenu. Et dans les années 50, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 50? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben là, c'est Hollywood qui a pris le jean 501. Alors quelles sont les stars qui portaient un alors peu là, de jean? Alors là, du lourd. C'est vrai. Moi, j'en. Alors là, attention. Vas-y. Enfin, j'en vois. Oui, alors oui. Bon, non, pas moi. J'en suis pas connu à ce point-là. Un acteur célèbre au cinéma. Et Gary Cooper, John Wayne. Ouais. Ah, John Wayne, vraiment. Alors là, quasiment tous les jeans, dans tous les films. Hein, Atari qui est passé est il y a quelques jours. Dans tous les jeans du monde. Dès qu'il y a un jean Levi's, ce gars est dedans. et James Dean. James aussi, Dean, Marlon Brando, Marilyn Monroe. James Dean, dans Géant. D'ailleurs, on le voit dans Géant, il est habillé en Levi's du pied à la tête. Mais Levi's n'avait pas fait une pub, n'avait pas réédité une pub il n'y a pas si longtemps que ça avec James Dean, mais en fait, bon, il est décédé, on est d'accord. Oui, hein, mais il est décédé. Oui, non, mais. Personne ne m'avait prévenu. Non, mais une pub moderne avec quelqu'un. Mais il y a plein d'acteurs qui ont joué dans les pubs, justement. Mm. C'est aussi la force de Levi's, c'est qu'ils ont une machine de guerre marketing qui fait que même si la marque est parfois un peu dépassée par d'autres marques qui sont un peu plus branchées, voilà, ils sont toujours au-dessus du lot et je crois que tout le monde a un Levi's au moins dans sa penderie. James Dean, il faisait partie du club des 27 ? Tout à fait. Oui, je crois. Tout à fait. Le club chargé des jumeurs à 27 ans. Tout à fait. Tout à fait. Il y a du monde, hein, quand même. Bon, après, je sais pas si c'était vraiment choisi. Hein. Alors, les amis, on va écouter un titre qui représente quand même. Ben oui, justement, 1993, une des nombreuses pubs, donc justement, qui ont fait la légende de la marque en France, avec un titre de Johnny Cash. Qui s'appelle Ring of Fire. Tout le monde connaît, bien sûr. Mais oui. Allez danser, dandiner, danser, chanter sur Fadjet. J'ai l'impression qu'on va aller au boulot avec ça. J'ai la calèche de la petite maison à la prairie. Et bien, les amis, allez, il est 17h30. C'est le moment d'écouter Johnny Cash. Ring of Fire. rain. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. But the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Johnny Cash, tout le monde le connaît, chanteur, guitariste, auteur, compositeur de musique country américaine. Coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Ah, ça va les amis, vous êtes bien là quand même. On fait des petites pauses quand même musicales, ça nous permet de discuter un peu ensemble. Hein, voilà, on s'interroge. On est 4 autour, 5 avec moi autour de cette table. Hein. Oui. En cette fin de journée tranquille, on espère que vous allez passer un bon week-end. Mais automatiquement, vous allez passer un bon week-end si vous nous entendez le vendredi. C'est comme ça que ça se passe. C'est vrai, c'est comme ça qu'on commence. Si tu nous entends pas, tu passes un mauvais week-end. Ouais, tout à fait. Et si au pire du pire, tu nous as pas écouté, ce qui peut arriver, même si c'est rare, rare, eh bien, tu auras la possibilité de réécouter l'émission en podcast. Alors, soit sur le site www.fadjet.net et la rubrique des podcasts d'un coup d'œil dans le rétro, mais aussi sur la page Facebook de l'émission où on met un Mixcloud. Ouais, parce que nous, on est moderne. Même si on parle de rétro, on est moderne. Et vous avez l'émission en règle générale avec la photo aussi de notre émission. Alors, je vois qu'ils sont tous motivés autour de la table. Ils ont tous. On a les yeux. C'est dommage qu'il manque. Il manque la caméra. Ouais, ils ont tous la tête comme ça. Je ne sais pas. Ils réfléchissent certainement à quelque chose. Un top départ. Mais on ne sait pas à quoi. Mais on va reprendre avant de trouver. Avant de laisser Christelle, eh bien, nous partir dans une élucubration Edouard Béersque de sa chronique. On va reprendre un petit peu Hélène. Hein, parce que Hélène, tu es le fil rouge de cette émission. Ne l'oublie pas. Tu as le droit d'un moment de poser ton veto, de dire non, vous n'avez pas raison. Je voudrais dire quelque chose. J'ai envie de parler sur ça ou ça. Tu es vraiment le fil rouge de cette émission pendant une heure. C'est ton émission, d'accord? D'accord. Okay. Ok. Alors, Anaïk, on reprend un peu les questions. On en est où avec Hélène? Alors, on parlait tout à l'heure avec Hélène donc de tablier. Mais effectivement, il n'y a pas que des tabliers. Je pense que tu fais aussi des choses pour les messieurs. Oui. Alors, tu fais des boléros, c'est ça, Jean? Enfin, tu en fais toujours? Tu fais toujours des boléros? Alors, oui, ouais. Je fais toujours des boléros. Donc, ouais. Je leur fais aussi des, comme on disait tout à l'heure, des tabliers de cuisine. Ouais. Et donc, les boléros, en fait, c'était pour avoir un élément dans la garde-robe qui soit un peu chic, mais qui puisse être porté de manière décontractée. Parce que je trouve que le boléro, en fait, ça permet de ne pas avoir forcément la veste habillée. et de pas non plus être embêté dans une chemise. On peut aussi bien le mettre avec un t-shirt, enfin voilà. D'accord, donc il y a ça, tu as fait aussi des costumes aussi pour les gens qui font de la scène aussi. Ouais. C'est des choses que tu as déjà faites. Oui, oui, oui. Et tu nous disais aussi tout à l'heure hors antenne que tu reviens un petit peu à la création de robes de mariée, c'est ça? Oui. Je reviens vers les femmes qui veulent se marier. Ouais, hein, s'il y en a encore. Voilà, ça existe, messieurs. On y croit encore. Au milieu de tous ces divorces. Voilà, je me suis dit, bon, allez hop, c'est vrai que bon, ça reste toujours un peu la robe de princesse. Moi, j'essaie un petit peu de la casser. J'ai fait dernièrement une robe de mariée avec des fermetures éclairs, avec tout un bustier avec des fermetures éclairs entrelacées. Donc, pour la faire un petit peu plus rock'n'roll, en gardant quand même l'idée de base d'être une princesse. Hein, mais de casser un peu le classicisme habituel. Voilà, ouais. Donc, un petit peu de zipper tout ça. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure au début, en fait, d'élégance et d'humour. Hein, parce que c'est un petit peu façon de présenter, en fait, les choses, non? Bah oui. T'aimes bien, voilà, que les femmes et les messieurs soient belles et beaux. Ouais. Mais aussi, voilà, avec des choses un peu décalées. Voilà. Ouais, toujours exactement. Avec une touche d'humour, même dans les boléros pour hommes, j'aime avoir des doublures un peu rigolotes. Superman, Batman, avoir aussi des choses un peu rigolotes, des poids, donc de changer un petit peu de ce qu'on peut avoir l'habitude de porter. Et l'humour, au fait, c'est aussi moi ce que j'aime voir porter, parce que ça amène tout le temps une petite touche, une discussion, on se dit, ah tiens, c'est marrant. Ça va un peu de pair, je suis en train de réfléchir entre Christelle et... Ouais, elles sont un petit peu similaires, les deux là. Elles sont un peu similaires, celles-ci, regardez-les. On est souvent en train d'exposer ensemble, hein, de toute façon. Alors justement, pour j'aimerais le coup, parce qu'on en parle... J'aimerais bien qu'on ouvre une boutique, toutes les deux. On en parle, mais c'est difficile à cette heure-ci de se rendre compte réellement. Et si on a envie de savoir, de te trouver tout simplement, où on peut aller? Alors, pour l'instant, c'est sur Internet, donc par Facebook, sur ma page Hélène Gantès Styliste. Ouais. C'est vrai que je véhicule beaucoup au niveau de Facebook, et sinon par rendez-vous, donc chez moi. Oui, chez toi. J'ai pas encore d'atelier. C'est des expos, alors on peut trouver comment ça se passe? Alors oui, sur ma page Facebook, en fait, à chaque fois je diffuse les événements qui vont avoir lieu. Donc, et du coup, les événements, ça va être aussi bien dans le coin. On est allé d'ailleurs avec Christelle à Strasbourg, on a mangé de la choucroute. Wow. C'était fantastique. Et l'idée c'est quoi? C'est d'avoir un showroom. Ce serait cool de mélanger l'esprit pin-up avec mes illustrations et puis ces tabliers. C'est bien d'avoir aujourd'hui, à l'heure actuelle, économiquement parlant, d'avoir un local? Ou c'est compliqué? C'est compliqué, mais si on peut partager. À plusieurs, oui. C'est compliqué, mais en même temps, je pense qu'il y a un moment donné où quand on bosse à la maison, on a envie aussi de pas forcément mélanger le personnel et le professionnel. Ouais, et moi, je suis un peu bordélique, donc des fois, si j'ai quelqu'un qui passe, un client, j'ai pas fait ma vaisselle, c'est autre chose. Et puis même, j'ai tout le temps la tête dedans, donc bon... D'avoir un atelier, d'avoir... Atelier boutique, c'est vrai que avec Christelle, ça fait déjà un moment qu'on se côtoie et on est un peu sur la même longueur d'onde, donc voilà. Et tu ferais des ateliers couture aussi, des trucs comme ça? Alors moi, je fais pas forcément d'atelier couture, D'accord. Christelle en fait. Toi, tu en fais, Christelle, Après, je peux la seconder si elle est en galère. Mais c'est vrai, aujourd'hui, c'est peut-être... Est-ce que c'est pas la clé un peu de la réussite aussi? Ça, c'est justement, pourquoi pas de s'associer... Ça crée une émulsion, quoi. De créer une émulation comme ça entre les gens et c'est vrai que c'est surtout parce qu'on a toujours l'impression d'être en concurrence les uns avec les autres, et au final c'est pas ça en fait. Non, parce que en fait les uns amènent aussi les clients des autres, on fait pas forcément les mêmes choses. À partir du moment aussi on travaille intelligemment, qu'on se respecte, où on sait aussi voir la valeur des autres, en fait ça apporte plus de positif. C'est beaucoup de réseaux aussi, je pense aussi. Oui, il y a le réseau, puis on n'est pas forcément sur les mêmes choses, et au contraire, ça peut être compatible. Chacun a sa propre patte. Donc c'est ça, on voit un petit peu quand même des gens qui s'associent comme ça, aussi, soit des brocanteurs, soit du petit mobilier, dans tout ce qui est artisanat, couture, etc. Et on voit de plus en plus de petites structures où il y a plusieurs indépendants ensemble, et je pense que c'est vrai que ça peut être la réussite du succès, parce qu'on voit vraiment aujourd'hui que c'est compliqué, si on prend déjà sur Nancy, sur les locaux. Un local commercial, ça se rentabilise, ça coûte des ronds, donc tout seul c'est parfois compliqué, et puis le fait de travailler avec des gens, on est déjà suffisamment indépendant, c'est aussi intéressant, on apprend les uns des autres. Et alors du coup la page Facebook, on la recite très rapidement. La mienne, du coup. Bah oui, bien sûr. Ou la vôtre. Oh, parce que la mienne, le mec qui sort ça. Alors, tu peux me retrouver, Hélène, si tu me cherches. Alors, bon, t'as pas chez vous. Alors, c'est Hélène Gantès, styliste, entre parenthèses. Là, c'est ma page Facebook. Et tu as un site? C'est un site internet, non? Alors, il est en cours de construction. C'est ouais, mais il y a quand même. Lui, c'est HélèneGantès.com. Il y a quand même des photos, il y a des photos de galerie avec toutes tes créations. De toute façon, même en mettant sur Google, on me trouve très facilement. Ouais. C'est vu que voilà. D'accord. Oui, tu voulais. Non, j'ai dit des photos de galerie. Alors je voulais dire des galeries de photos, mais personne n'a relevé. Mais c'est vrai. Astur-ci, on utilise. On prend les mots. Ils sont à la volée comme ça. Ils sont complètement. On est avant le week-end. C'est quelque part. Il y a un étendoir de mots. Chacun prend les siens. Chacun prend ses mots. Les photos de galerie. Voilà. Le verre au vin ou le vin dans le verre. C'est souvent ce qu'on dit au restaurant. On se trompe. Je voudrais un vin dans le verre. Enfin, pas vraiment. Attention à ce qu'on dit. Bon. On va y arriver. Allez, sans transition aucune. Enfin, si, il y a toujours une petite transition dans un coup d'œil dans le rétro. Et bien, on est très heureux de t'avoir. On est encore ensemble pour une petite vingtaine de minutes à peine. Hein, donc, le temps nous presse. Et c'est le moment de retrouver. Alors, je vais lui poser quand même la question avant toute chose, parce que Christelle n'est pas dans l'équipe depuis très longtemps. Donc, elle se lance des défis. Hein, voyez-vous, comme ça, elle fonctionne par mimétisme. Elle apprend des autres. Et donc, là, elle va nous faire une chronique à sa sauce à elle. Et donc, est-ce que tu veux une petite musique en fond ou je te laisse mettre. Ah ouais, mets de la musique. Alors un truc tout doux. Je sais pas. Non, attends, un truc qui... parce que non, faut que ce soit un truc qui soit calme. Un truc comme ça, voilà, parce que je pense que c'est un peu dans ce style-là. C'est parti. Et prends donc, ta plus belle voix, bébé. C'est okay. Le moment de retrouver, eh bien tout simplement, Christelle. C'est parti. Est-ce que le temps passait moins vite à l'époque des montres à gousset, ou est-ce que tout le monde courait comme le petit lapin d'Alice au pays des merveilles, de cette petite merveille-là justement? Objet magique qui nous parle de temps, de la vie et de notre condition humaine, comme trouvé dans un trésor poussiéreux au fond d'un grenier, jusqu'à nos smartphones, lisses, dépourvus d'âmes qui n'ont pas le temps de nous parler du temps, car eux-mêmes n'auront jamais 20 ans, il y a un monstre de pas. Oh yeah! Wow. Donc tu veux nous parler de la montre, à gousset. Voilà. Moi j'en ai une, je sais de montre à gousset, une montre d'ancienne tante comme ça. Mmh. On peut la porter aujourd'hui? On peut la mettre comme ça. Ouais, j'ai l'impression que ça revient un petit peu avec tout ce qui est le goût du rétro. Mais souvent, ça s'attache quand même à un gilet. Oui. Et là, on voit que les gens l'attachent un peu des fois. Poche de jean. Poche de jean. Ah ouais, t'as vu ça, toi? Alors, c'est les punks qui boivent des bières sur les tombes. Non. On peut acheter un gilet chez moi, sinon. Voilà, en fait, on peut faire tout un. Un petit gilet de barman. Ouais. Mais alors, parce que t'accroches un bouton, là. Tu peux mettre dans la boutonnière, ouais. C'est ça, c'est ma question. C'est cela. Parce que gousset signifie petite poche, en fait. La montre à gousset est un type de montre de poche qui se met du coup dans la petite poche gousset, prévue à cet usage. Les montres sont généralement, comme tu le disais, attachées au gilet par une chaîne ou à un ruban et sont souvent pourvues d'un petit couvercle. Il s'agit du modèle de montre le plus répandu jusqu'au XXe siècle. Les montres bracelets étant alors essentiellement destinées à la clientèle féminine. Mais alors, d'où viennent-elles vraiment ? D'où viennent-elles ? Les premiers modèles de poche ou à ressort étaient ronds et plutôt volumineux. Mais à partir des années 1550, les formes aplaties que nous connaissons aujourd'hui ont fait leur apparition. Une autre caractéristique de ces premiers modèles était le manque de verre. La seule protection contre les influences extérieures était un couvercle à rabat. Qui est-elle ? Tu vas me demander. Oui, c'était la question que je voulais te poser, je ne savais plus où on en était. Qui est-elle ? Alors, la montre à gousset a vu le jour pour la première fois sous cette appellation en 1882 et avec la création de la marque Audemars Piguet, qui est actuellement toujours une marque d'horlogerie de luxe. Pouvant être comparée à une horloge de poche ou miniature, la montre à gousset est en général déclinée pour les hommes, mais pouvait aussi se décliner pour les femmes. Moi j'en ai une petite, toute petite. Et les tailles aussi, voilà. Pour femmes en fait. Et oui, elles sont une toute petite chaîne en fait. Oui, c'est tellement mignon. Oui. La montre à gousset pouvait être aussi réalisée à partir de métaux précieux, tels que de l'or, de l'argent ou encore même du nickel. Donc c'est un objet de luxe. Carrément, ouais. Certains modèles de montre à gousset pouvaient aussi avoir leur cadran incrusté de pierres précieuses. Et les modèles de montres à gousset pour les hommes étaient adaptés aussi pour le sport à l'époque, puisqu'ils faisaient aussi office de chronomètre. Oui, oui, oui. En 1925, l'inventeur créa la montre à gousset la plus fine au monde et dont l'épaisseur atteignait à peine 1,32 mm. Incroyable. Ouais, c'est pas épais, oui. C'était quand même minutieux, j'ai l'impression, à l'époque, tu vois. C'est tout ce qui était horlogerie et montre. À partir de 1893, il se consacra à l'invention des montres-bracelets. Et en 1929, malgré quelques avancées technologiques et des designs audacieux tentés sur la fabrication de la montre à gousset, leurs ventes sont dépassées par cette invention plus moderne. Donc depuis maintenant bien longtemps, les montres à gousset se sont vues dépassées par l'émergence des montres classiques que nous connaissons actuellement. C'est un bout de l'histoire de l'horlogerie qui s'éteint petit à petit. Néanmoins, certaines marques comme Tissot ou encore Cartier continuent de croire en la force de cet objet qui existe depuis plus de 500 ans. 500 ans ? Ça fait beaucoup, Voilà, aujourd'hui on peut trouver encore des montres à gousset, mais essentiellement sur les brocantes ou sur des sites de vente en ligne. J'ai quand même été voir s'il y avait encore des gens qui créent leurs montres à gousset, s'il y avait des marques. Et il y a une marque à Paris qui s'appelle FOB, créée en 2012 par des ingénieurs. D'accord. Voilà. FOB. On ira voir ça, on mettra ça en ligne. Donc la montre à gousset, quelque part, revient par le fait qu'on soit attaché un peu au monde rétro, mais tout le monde a une montre à peu près normale aujourd'hui, c'est juste pour peut-être... Ou rien du tout, il y a les smartphones qui remplacent la montre. Ah non, quelle tristesse. Moi j'ai pas de montre. Oh mais tu démontes, c'est tellement beau. C'est comme un bijou, moi je trouve la montre. Bah du coup, je préférerais une montre à gousset, voilà. Ouais. Oh non, mais c'est vrai, c'est tellement beau. C'est vrai que Jack, tu nous avais fait une fois une chronique aussi sur les montres. Sur Rolex. Ouais. Ouais. Mais en fait, la plupart des marques actuelles ont dans leur catalogue au moins une montre à gousset. Si on regarde un petit peu sur internet, dans les collections, on en trouve presque une fois sur deux. Donc c'est un truc qui a jamais été vraiment abandonné, qui revient petit à petit. Et c'est vrai que je le vois quand on fait des photos un peu mode et compagnie, il y a souvent en accessoire une montre à gousset. Mais voilà. C'est souvent sur des marques un peu de luxe, parce que quand tu regardes dans les magasins, dans les villes, par exemple ici, c'est pas quelque chose que tu vois dans les... sur les devants, enfin non, en ici, expo, tu vois. À Nancy, on peut voir sur 2-3 magasins le modèle de chez Tissot. D'accord. Voilà, on voit ça. Ouais. Mais sinon, effectivement, c'est plus c'est de la haute couture. Hein. Enfin, c'est de l'horlogerie un peu complexe. Donc du coup, c'est plutôt une vitrine en fait. Je vous ai reconnu. Ah. Bah oui. Voilà, c'était pour vous couper la parole. C'est Miss Tinguette, c'est sous l'impulsion de Christelle Youplaboum, ça va bien avec elle d'ailleurs. Hein. Je vous ai reconnu Miss Tinguette et on se retrouve juste après ça. En moi-même, l'exquise sensation du tout petit frisson qui me parcourt de la tête aux talons. C'est la joie de tous vous reconnaître, c'est la joie ou l'émotion peut-être. Car de vous savoir là, de là-haut jusqu'en bas, c'est fou ce que malgré moi mon cœur bat. Je vous ai reconnu, madame, à vos jolies fossettes. Je vous ai reconnu, à votre petit nez en trompette. Et vous qui chaque soir, caché dans le promenoir, veniez quand je sortais m'apporter un bouquet. Vous êtes revenu, je vous ai reconnu. En entrant, je dois le dire bien vite, tout à l'heure, je me sentais petite. Ça va mieux maintenant, bonjour mon petit Fernand, fidèle habitué du troisième rang. Vous, madame, toujours aussi jolie, mademoiselle, vous avez embelli. Votre barbe est superflue, vous pouvez la retirer, je vous ai reconnu. Je vous ai reconnu, à vos grands yeux qui vagabondent. Je vous ai reconnu, vous étiez brune, vous voilà blonde. Et ceux dans les coins noirs, ceux que je ne puis voir, je devine pourtant qu'ils sont tous là présents. Vous êtes tous venus, je vous ai reconnu. Thank you. et tout en fait, je vous ai reconnu. À vous amuser, je suis prête. Mes amis, je voudrais vous prouver à jamais que mon plus grand désir est de vous faire plaisir. Vous êtes tous venus, je vous ai reconnu. Miss Tinguette, je vous ai reconnu. D'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Oh les amis, il est bientôt l'heure de vous délivrer, je ne sais pas, parce que je pense que c'est plutôt un moment sympathique en notre compagnie. Alors les enfants s'écrivent sur les mains, sur les bras, dans les studios, voilà, pour tout vous dire ce qui se passe à cette heure-ci. Ils se font des tatouages au stylo bi. C'est des belles choses au moins, montrez-nous, vous notez quoi? Ah c'est de toute beauté, hein. Ah, là j'ai eu un renard, c'est mignon, un lapin. Lapin de Pâques. Et tu lui as pas tatoué un truc dans le cou tout à l'heure aussi, dans le dos? C'est un lapin, ah, oui, ça. Oui, love, mais en plus. Ça c'est un lapin. Pour tout vous dire, ça chipote sévère. Là, c'est le printemps, on sent que ça se picore. On sent que ça se picore l'ami de pain. Bon, alors, justement, si on a envie de sortir parce que c'est le printemps, et profitez-en, même si le temps, bah là, il était très beau depuis un certain nombre de jours. Maintenant, peut-être que ça se gâte un petit peu, ce n'est pas grave. Continuez à sortir, de toute façon, ça ira de mieux en mieux jusqu'à l'été. Et il y a pas mal de sorties à faire. Le vendredi 5 mai, la veille de mon anniversaire, je suis très content de vous le dire, à la centrale des vignerons à Nancy, de 20h à minuit. Qu'est-ce qui se passe, Jack? Ah, alors là, c'est la soirée Euno Jazz organisée par mon cher club Saint-Lambert. Donc c'est une soirée pour déguster produits artisanaux de notre région, les vins sélectionnés pour l'occasion, tout en profitant d'un concert de jazz, voyons, bah, jazz, piano et voix, Jack and the Cat. C'est pas moi, hein, je vous rassure, qui veut chanter, je ne chante pas. Mais pas chanter. Simplement en petit comité. Buffet de réduction sucré et salé proposé pendant la soirée. Il y aura un tarif adhérent à 26€, grand public 35€. Alors il faut réserver en amont, s'il vous plaît. Les places sont limitées. Alors vous pouvez envoyer un petit mail avec vos petits doigts à contact@clubsaintlambert.fr ou appeler le président Clément au 06 03 13 26 72 avec le code Saint-Lambert. Bien. Quoi d'autre, Anaïk? Le vendredi 5 mai, toujours, donc au Boucle Art à Nancy, je vais y arriver, de 19h à 21h, donc il y aura un vide dressing et apéro, donc vous pourrez... Vous rendez d'abord là, puis après vous allez au... voilà, vous faites les deux. Voilà. Donc au vide dressing, bah, vous pourrez dégoter des nouveautés, des fripes, tout ça à petit prix, donc pourquoi pas. Tu voulais parler d'une sortie ciné aussi, hein? Ouais, sortie ciné, donc je crois que ça sort le 26 avril, le film Django, donc je pense que ça, c'est un beau film à aller voir, un film biographique, donc français, coécrit et coproduit, réalisé par Étienne Comard. Donc je pense que voilà, célèbre guitariste quand même. Voilà l'histoire de Django Edwards. Django Edwards. Ouais, exact. Hélène, on la retrouve quand et où? À la télé sur AB1. Eh oui, j'ai sur AB1. Hélène, elle a plein de choses, je crois, elle disait. Sur AB1, dans les vacances de l'amour. Merci. Voilà. Je vais bientôt me marier avec Nicolas, d'ailleurs. Oh. Ah. Non, mais c'est vrai? Est-ce que tu connais j'en bien j'en l'heure? Je sais rien, mais on me l'a dit. Parce que hier, j'ai regardé, c'est les mystères de l'amour, pardon. T'as regardé ça, toi? Ils sont mariés, je crois. Je crois qu'ils sont mariés. On m'a dit, alors, tu vas te marier avec Nicolas, enfin. Ouais, je crois qu'ils sont mariés. Et dans la vie, est-ce que Laure, elle est sympa? Laure, c'est une petite peste. Comment il s'appelle avec la petite moustache? François Berthelimi. Non, mais il y avait il y avait José. José faisait que des conneries. Il faisait que des conneries, José. Avec ses grands cheveux. Pourquoi on parle de ça? Parce que c'est comme ça. C'est frais, c'est le printemps, ça picore. C'est vintage, hein, 20 ans. À partir du moment où c'est 20 ans, c'est vintage. Non, mais avant de te marier avec Nicolas, du coup, on pourra quand même te retrouver, je crois, en juin. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Non. Alors, déjà, j'ai un événement en mai. En mai. Fais ce qu'il te plaît. Convention de tatouage à Luxembourg. D'accord. Donc c'est The Storm. Après c'est la grande récré d'ailleurs avec Christelle. Voilà. La grande récré. Ouais. À Saint-Nicolas-de-Port. D'accord. Ah donc, oui. Je pense que vous en reparlerez. Hein, je crois qu'ils sont. Bah explique rapide, vas-y. La grande récréation, c'est un salon de créateurs. C'est la troisième année. Ouais. Et il y a plein d'animations qui sont organisées autour de tout ça. Donc il y a des créateurs qui viennent vendre et aussi montrer leur travail. faire des petits ateliers concrets sur place avec les enfants. Je crois qu'on les avertit l'année dernière. C'est tous les ans ? Ouais, si c'est la troisième année. On les avertit derrière dans la matinale. Il y aura du graphe, de la création de nichoirs en palette. D'accord. Gros programme. Ouais. D'accord. Dans un parc, donc c'est vraiment super. Donc vous super. Y serez toutes les deux. Nuit de nichoirs. D'accord. Très bien. Super. Et encore, mais encore. Et après, ce sera le Chopper Festival à Blénaud-les-Pont-à-Mousson. Waouh, c'est rock ça. Et Christelle aussi sera là d'ailleurs. Encore, on est tout encore. Ensemble. Vous êtes tout le temps ensemble. Voilà. De toute façon, toutes les informations sur ta page, Hélène Gantès. C'est ça. T'es plus active sur Facebook. Moi, je suis complètement active Instagram sur Facebook. Instagram un peu aussi. Alors, un peu sur Instagram. Tu commences quand même à t'y mettre. J'y suis déjà, mais en fait, c'est vrai que j'ai pas forcément le réflexe d'Instagram. Ouais. Mais bon, de temps en temps, il va falloir s'y mettre. Photo. C'est vrai. C'est vrai qu'Instagram commence à prendre. Il vraiment faut bosser quand même. Bah ouais, mais je trouve que pour mettre les événements, alors je suis peut-être pour un les peu. Les événements, oui, mais pour tes produits. Non, oui, c'est, pour c'est les tous produits, tes produits. Mais ouais, d'ailleurs, on me suit aux États-Unis. Hein. Mais... Nous en parlerons hors antenne. Voilà. Et alors, Anaïk, bah oui, parce que là, je sonne le glas, les amis. Hein, c'est comme ah, ça. Bah oui, je vois je ça, sonne oui. le glas de la fin de l'émission. Ah, on se retrouve quand ? Quel est le prochain moment ? Alors, normalement, si ça je ne m'abuse, doit tomber le troisième vendredi du mois de mai. Du mois de mai. Mais si on calcule, ça devrait nous faire aux alentours du 19 mai. Ouais, c'est ça. Sortez vos agendas. Ce sera le 19 mai, les amis. On vous souhaite, en ce qui nous concerne, eh bien, si vous êtes en vacances, de bonnes vacances, parce que c'est possible. N'hésitez pas, eh bien, à nous suivre toujours sur notre page Facebook. Nous relayerons toutes les informations de notre invité du jour, Hélène. Merci à toi d'être venue. Merci beaucoup, merci Hélène. T'as passé un bon moment. Merci, un très Hélène. Bon moment. T'es pas douloureux ? Non, ça fait pas mal, même si le micro est gros. Elle finit sur une bonne note. Elle finit sur une bonne note. Jack et Christelle, à bientôt, les amis. À bientôt. À bientôt. Allez, les programmes continuent. Anaïk aussi, à bientôt. Bonnes vacances, bon week-end. Et bon week-end à tous. Les programmes continuent. Restez à l'écoute sur Fadjet. À bientôt. Ciao. Ciao. Bisous.